Les Tailleux. Il y a un Tailleux très long, durée de vie, des millions d'années, nous parlons. Son capacité, son mystère, les mondes bien inquiétés, son répissé minuscule, très minuscule. Il est là, né la combinaison des doigts aux doigts et les mains, dans les thèmes, au fil du temps, sous la forme. Et la forme, votre corps enveloppé avant-devant, reverse, votre corps enveloppé avant-devant, coupolé, votre corps enveloppé avant-devant et de soutien. Les tissus avec des fils, de la soie et de la guille, minuscule et naturel, avec des liens et des résultats des millions de fois. Pas seconde, mais et chaque instant doublé son fa. Talus infini, costume exponentiel, les talus clouent sur la base de l'enchantillon, avec son assistant qui fait messager, enseignant et correcteur. Talus infinité d'assistants exponentiels, talus sous talus, atelier sous atelier. Un droit à l'autre, un monde fertilisant. Il est un talus très long durée de vie, des millions d'années nous parlons. Son capacité, son mystère, les mondes bien inquiétés, son répissé minuscule, très minuscule. Il est né de la combinaison des doigts aux trois éléments, dans le temps, au fil du temps, sous la forme et les formes.